Avec lequel je vais poser noir sur blanc toutes mes colères. J'ai trouvé un crayon par terre. J'ai trouvé un crayon par terre, là c'est sûr, je vais composer un air révolutionnaire. À faire peur aux endimanchés. Vous dites il est revenu, le temps où sabre et goupillon mène le bal comme convenu. Et faisait danser l'opinion. Vous dites nous sommes tranquilles, n'ayons plus honte de nos actions. Servons-nous, c'est tellement facile. La révolte n'est plus de saison. Mais bientôt vous entendrez frapper à votre porte. Et vous verrez messieurs comment ceux d'en bas se comportent. Mais bientôt vous entendrez frapper à votre porte. Et vous verrez messieurs que la commune n'est pas morte. J'ai trouvé un crayon par terre avec lequel je vais poser noir sur blanc toutes mes colères. J'ai trouvé un crayon par terre. J'ai trouvé un crayon par terre, je sais comment l'utiliser avec des mots comme un lance-pierre. Dans la gueule des endimancheux. Vous vous dites que nous avons gagné, engraissons-nous sur la misère sous couvert de modernité. C'est l'heure du grand bond en arrière. Notre victoire est planétaire, plus personne sur notre chemin. La peur a éteint la colère. Mais bientôt vous entendrez frapper à votre porte. Et vous verrez messieurs comment ceux d'en bas se comportent. Mais bientôt vous entendrez frapper à votre porte. Et vous verrez messieurs que la commune n'est pas morte. J'aurais pu trouver une craie pour écrire sur un tableau noir la longue liste de vos méfaits et la hisser en drapeau noir. Mais je n'ai trouvé qu'un crayon, ça suffira pour une chanson.